on va attaquer le patrimoine, parce que ça, c'est ça qui est le plus intéressant. Hein. Alors, le patrimoine. On a vu que 1970, pour ce qui est du répertoire du chant de marin, c'est le début d'un double mouvement, ou tout au moins, ce renouveau du chant de marin a deux composantes. Hein. D'une part, le chemin initié par Michel Tonnerre, Michael Yawank et Djibou Djeb, où il s'agit de faire du chant de marin pour la scène, pour le spectacle, souvent dans un cadre festif, avec des créations ou des interprétations totalement ouvertes aux influences de l'époque. On peut avoir des guitares électriques, voire batterie, guitare basse, etc. Et d'autre part, il y a dans le sillage et le prolongement du collectage, il s'agit ici d'interpréter les chants collectés en tentant de retrouver et de respecter les rythmes spécifiques entendus auprès des anciens de la voile, hein, des anciens de la voile et de tous les anciens auprès de qui on a fait ce collectage-là. Alors, ces deux courants, je schématise un peu hein, pour un souci de clarté, mais ces deux courants comment dire, vont coexister, hein, cohabitent, mais évoluent quand même de manière parallèle. Pourquoi ? Peut-être parce que les chants issus du collectage ont bien évidemment un immense intérêt historique, ethnographique, ce sont des chants authentiques, mais une partie de ces chants sont souvent écartés par les groupes de scène qui choisissent plutôt des groupes peut-être plus accessibles, plus entraînants, peut-être un petit peu plus grand public. Voilà, et donc beaucoup de groupes aujourd'hui, qui existent aujourd'hui, en fait, ont créé dans le style initié à l'époque par Michel Tonnerre, Michael Yawank et Djibou Djeb. Alors, le répertoire, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va essayer de faire quelques catégories, hein. On va essayer de le tronçonner un petit peu, ça a toujours un côté un petit peu arbitraire et réducteur, mais ça permet d'y voir un peu plus clair. Alors, première partie, la création à partir de 1970. Puisqu'on a vu quand même que 1970, c'est une date clé. Alors, la création à partir de 1970, de manière un peu abrupte, on va voir, c'est un peu plus compliqué que ça, mais de manière un peu abrupte, on peut dire qu'il y a Michel Tonnerre et les autres. Je crois, pour ceux qui ne connaissent pas Michel Tonnerre, il y a une petite photo de Michel Tonnerre dans la mécanique. Voilà. Hein, je ne sais pas si... Voilà. Donc Michel Tonnerre, nous l'avons fait venir il y a combien de temps ? Il y a 2 ans là maintenant ? 2, 3 ans là ? Hein ? 3 ans ? 2, 3. Enfin voilà, hein. Il y a quelques années, donc certains d'entre vous ont pu le voir là-bas. Michel Tonnerre, donc, qui est décédé le mois dernier, fondateur du groupe Djibou Djeb avec Michael Yawank. Michel Tonnerre est l'auteur de près de 250 chansons. Donc c'est déjà énorme et ça suffirait à le placer largement en tête de file de toutes les créations depuis 1970. Mais au-delà du nombre de ces créations, c'est plutôt la qualité des chansons de Michel Tonnerre qui lui donne la place qu'il occupe actuellement. Ses qualités, les qualités de ses chansons, ses poésies, force, authenticité. Michel Tonnerre est un grand poète de la mer et c'est un vrai auteur de chansons, parce qu'on pourrait être un grand poète et la mécanique d'une chanson, pour qu'une chanson fonctionne, c'est une mécanique particulière. Michel Tonnerre est un vrai auteur de chansons. Michel Tonnerre peut se targuer d'avoir plusieurs dizaines de ses chansons qui sont devenues des chansons populaires. C'est un phénomène qui n'a rien de comparable. Et si on n'avait pas peur de grossir, mais je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, peu de chanteurs dans la chanson française, au sens le plus large, peuvent mettre sur la table autant de chansons qui sont devenues autant de chansons populaires. Hein. Michel Tonnerre a commencé à écrire à 18 ans. Il s'est nourri de tous les classiques, hein, Conrad, Stevenson, Defoe, Jack London aussi, Jack Kerouac. Ses chansons, plusieurs de ses chansons ont été popularisées sur les quatre premiers disques de Djibou Djep et pour beaucoup de gens. Hein, ces chansons sont prises comme des traditionnelles. Je vais citer rapidement, parce que ça permet de fixer un petit peu les choses, je vais citer rapidement les 12 chansons de Michel Tonnerre qui sont parues donc, sur les 4 premiers disques de Djibou Djep. Dans l'ordre ou dans le désordre, 15 marins, Nous sommes marins, Satan Nicholas, Aïs et le phoque, La chanson de Jim, Le gabier noir, La galère, Regan Dugan, L'oiseau noir, L'engeance des marins, Le cas de ma barque, Les trois caps, sont arrivés un peu plus tard, Mon petit garçon, Le sillon de Talbert, etc. On peut dire que la quasi-totalité des groupes de chants de marins qui existent aujourd'hui ont démarré en mettant à leur répertoire une grosse partie de ces chansons-là. Hein, on va en chanter une de Djibou Djep pour le plaisir. Michel Tonnerre avait quitté rapidement Djibou Djep au début des années 70, en continuant à écrire, pour aller travailler dans l'entreprise familiale. Son père était marieur. Lorsque l'entreprise a fait faillite en 1987, Michel Tonnerre est parti naviguer pendant un peu plus d'un an sur le cargo commandé par un ami à lui, un cargo qui faisait la desserte des îles, sur un périmètre très large, puisqu'il faisait la desserte des îles à la fois dans l'océan Indien et jusqu'à l'ouest de l'océan Pacifique. De cette navigation, Michel Tonnerre s'est évidemment nourri, a continué à écrire. Et lorsqu'il est revenu en France à la fin des années 80, il a démarré une carrière solo avec un premier disque, Fumier de baleine, qui est sorti en 1992, et le dernier disque qui est sorti au début de cette année, 2012, ce dernier disque qui s'appelle Armor. Peu avant de mourir, Michel Tonnerre travaillait sur un dernier disque avec Mickaël Yawank. Ça aurait dû être les retrouvailles entre Michel Tonnerre et Mickaël Yawank. Je ne sais pas si le disque était suffisamment avancé pour que Mickaël Yawank le termine, mais... on peut retrouver les disques de Michel Tonnerre dans sa carrière solo à partir de 1992. Voilà. Eh ben, on va chanter 15 marins. Hein, comme ça, de but en blanc. Hein. Alors, on aurait pu mettre un disque aussi, quoi, forcément. Hein, mais... Hein, ouais, on a de la matière vivante, alors il faut pas s'en priver. Hey, d'accord de vous, au gré des pendules. Moi, John Forrest, et toi, John Berry, c'est près du gibet, j'en ai tout tordu. Quinze marins se marinent, il y a plus là-haut une bouteille de rhum. Avoir les diables et régler leur sang, il y a plus là-haut une bouteille de rhum. Merci beaucoup. Donc, Michel Tonnerre qui domine de la tête et des épaules toute la création à partir des années 1970. Hein ?